Ces paroles, sans la formule brève, dix mille et une pensées entre lesquelles il flottait. Il reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie. Il se dit que s'il allait dissiper deux des précieuses pièces de 100 sous qui lui restaient, elles seraient heureusement employées à la conservation de son habit, de ses bottes et de son chapeau. Il n'entendit pas, sans un mouvement d'hilarité, son coucher criant « La porte, s'il vous plaît !» Un Suisse rouge et doré fit grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel et Rastignac vit, avec une douce satisfaction, sa voiture passant sous le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron. Le cocher, à grosse houppelande bleue bordée de rouge, vint déplier le marchepied. En descendant de sa voiture, Eugène entendit des rires étouffés qui partaient sous le péristyle. Trois ou quatre valets avaient déjà plaisanté sur cet équipage de mariés vulgaires. Leur rire éclaira l'étudiant au moment où il compara cette voiture à l'un des plus élégants coupés de Paris, attelé de deux chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille, qui mordaient leurs freins et qu'un cocher poudré, bien cravaté, tenait en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper. À la chaussée d'Antin, Madame de Restaud avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de 26 ans. Au faubourg Saint-Germain attendait le luxe d'un grand seigneur, un équipage que 30 000 francs n'aurait pas payé. « Qui donc est là ?» se dit Eugène, en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées et que la conquête d'une de ses reines coûtait plus que du sang. « Diantre, ma cousine aura sans doute aussi son Maxime. »